Je dis pas que je tuerai quand même, mais je lui rendrai tout ce qu'elle m'apporte. Elle a donné son corps à d'autres alors que je bavais pour elle. Ce n'est rien d'autre qu'un cas d'école, mais j'y dédie mes plus belles lettres. J'aime sa douceur, nos corps à corps, ces milliers de rimes qu'on a fait naître. En vérité, je ne suis pas sûr de la vérité. J'aime ses idées sans hésiter, je lui ai juré fidélité. J'ai hérité de ses angoisses qui me conduisent qu'au terminus. Ses mélodies s'infiltrent en moi, m'autodétruisent comme un virus. Ensorcelé, je peux pas lutter quand elle déferle. Aucun moyen d'y mettre un terme, j'ai trop de mal à m'en défaire. Je suis lésé, elle est mon ombre, elle me possède, me suit partout. Je lui donne son nom, je la fredonne, j'y fais des vers, j'y sais par douze. Qui fait par tous ou pas, qu'importe, c'est pas le problème. Elle me balade, elle me promène, j'y fais la cour, j'en suis coupable. Je lui dirai qu'entre elle et moi, ce n'est que des joies, des petits poèmes. Elle me connaît, j'y donne ma voix, on se bouffe le foie, mais qu'est-ce qu'on s'aime. Plus qu'une oreille à qui se confier. Au crépuscule, on règne, elle kiffe ce qu'on fait. Pour les gens debout qui sont trop près du bad trip, mademoiselle chante le blues sur une trompette, une batterie. Plus qu'une oreille à qui se confier. Au crépuscule on règne, elle kiffe ce qu'on fait. Pour les gens debout qui sont trop près du bad trip, mademoiselle chante le blues sur une trompette, une batterie. C'est que de la relation toxique, y'a plus cette flamme qui nous dévore. Accusé de farce, crie sous les fortes et creuse le feu de l'action toxique. Pour elle j'étouffe et tout donné, l'amour sincère m'écrit notre vie. Mettez d'autres vives, boulettes j'étouffe, et sous le pommier. Elle a disparu, la complicité, y'a plus de tendresse ni de jeu de regard. Vicieux je me gare, y'a l'abîme, ça lui raconte, lui quitter. On faisait que s'appeler les nuisances, on a tapé des nuits blanches. On a taffé même d'arrache-pied pour préserver notre nid d'ange. C'est de ça qu'on parle, non je prends ma part sans que ça déborde du vase. Elle m'accompagne quand ça va pas ou quand je décolle du taf. Sourire en coin pour elle, j'ai le péga, même si je suis pas dupe. Souffrir en vain, foutaise, c'était qu'un rêve si je suis sa pure. Je suis resté fidèle malgré le chant des sirènes. Oui, laissez le mystère, te ferai des campées directes. Vital se crache en feu l'élite, autant que cette tic me laisse cru. Si le diable se cache entre les lignes, faut changer de grille de lecture. Plus qu'une oreille à qui se confier. Au crépuscule, on règne, elle kiffe ce qu'on fait. Pour les gens debout qui sont trop près du bad trip, mademoiselle chante le blues sur une trompette, une batterie. Plus qu'une oreille à qui se confier. Au crépuscule on règne, elle kiffe ce qu'on fait. Pour les gens debout qui sont trop près du bad trip, mademoiselle chante le blues sur une trompette, une batterie. Plus qu'une oreille à qui se confier. Au crépuscule on règne, elle kiffe ce qu'on fait. Elle kiffe. Elle fait du grec et m'attire quand elle joue sur mes parties sombres ou qu'elle suce sur des partitions. Elle fait même craquer ma team. Rythme ambiance, elle oppresse. Mon trip percline nous laisse les thunes t'atteindre. C'est une libertine, ouais c'est une catin. Elle se soumet et se fait souiller sur toute l'été, je le conçois. Un peu saoulé mais de souliers ne peut plus m'aider, je veux qu'on se voit. Elle en a fait des quatris, on s'enfonce, on l'informe. Je veux s'enfoncer dans la forme quand elle me fait des quatris. Style posé, fleuve tranquille, amère calamiteuse. La seule à qui causer une malheur galamiteuse. Belle demoiselle a des atouts, je me vante de ne pas succomber. Elle me voisine, a déjà tout vu devant la page, je suis tombé. J'ai des plaies béantes, elle m'apaise tous les soirs. Échec et méandre, elle m'appelle tous les soirs. Je lui fais part de mes songes, des boires et ses paroles. Rien ne pourrait étancher ma soif de son, mais je boirai ses paroles. Plus qu'une oreille à qui se confier. Au crépuscule on règne, elle kiffe ce qu'on fait. Pour les gens debout qui sont trop près du bad trip, mademoiselle chante le blues sur une trompette, une batterie. Plus qu'une oreille à qui se confier. Au crépuscule on règne, elle kiffe ce qu'on fait. Pour les gens debout qui sont trop près du bad trip, mademoiselle chante le blues sur une trompette, une batterie. Plus qu'une oreille à qui se confier. Au crépuscule on règne, elle kiffe ce qu'on fait. Pour les gens debout qui sont trop près du bad trip, mademoiselle chante le blues sur une trompette, une batterie. Plus qu'une oreille à qui se confier. Au crépuscule on règne, elle kiffe ce qu'on fait. Pour les gens debout qui sont trop près du bad trip, mademoiselle chante le blues sur une trompette, une batterie. Près du bad trip, mademoiselle chante le blues sur une trompette, une batterie.